تأمل هذا الكلام لابن القيم رحمة الله عليه في طريق الهجرتين، يبارل دو الغفلة. قال رحمة الله عليه: والعجب، كل العجب من حال أكثر الناس كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر. أكثر الناس، ابن القيم رحمة الله عليه قال العجب، أي سئتنا أن أكثر الناس كيف يقضي الزمان، أي كومو يباس لغتون، أي في غفلة. قال: والقلب محجوب عن الله ودار الآخرة. Et leur cœur, il est, عياذا بالله, il y a un voile entre leur cœur et طاعة الله سبحانه وتعالى et الآخرة. أي أبدا leur cœur, il se préoccupe du din ou de dar l'akhira. C'est pour ça que tu trouves, هؤلاء, ils font aucun effort. كأنهم, ils vont pas être ressuscités. وهيهات. قال: وخرج من الدنيا كما دخل إليها. هؤلاء, cette catégorie de personnes, ils sortiront من الدنيا comme ils sont rentrés. Ils sont rentrés بجهل إلى آخره. Ils étaient sur rien. Ils n'avaient pas d'amal إلى آخره. Ils sortiront من الدنيا نفس الشيء. بل, ils sortiront comme ils sont rentrés là. بس, لكن, ils vont sortir عياذا بالله avec ذنوب وكفر وإعراض. Ils se sont détournés. Ils n'ont pas cru. قال: وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها. فلهذا ابن القيم رحمة الله عليه في الحقيقة il a de la peine pour هؤلاء. أن la chose la plus profitable ils n'ont pas pu la goûter في الدنيا. أي العلم والإيمان. C'est ça les choses où il y a le plus de saveur في الحقيقة في الدنيا. أما l'argent ça vient, ça part. La santé ça vient, ça part. Les enfants كذلك. أما العلم والإيمان فسي سبار فالخسارة. Celui qui perd العلم والإيمان il a tout perdu عياذا بالله. قال: بل عاش عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس. بل هؤلاء ils vivent comme des animaux عياذا بالله. Les animaux qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils s'accouplent. هكذا شأن الحيوانات. Tu trouves هؤلاء qui sont fi ghafla wa a'radu, c'est comme des animaux ayadun billah, bal hum adallu sabila. Falihadha qala ibn al-qayyim wa intaqala minha intiqal al-mafalis. Al-mafalis c'est le pluriel de muflis. Al-muflis c'est celui qui a tout perdu, qui est ruiné. Fa ha'ula ils sortiront min hadhihi ad-dunya, et ils ont tout perdu. Ils ont perdu dunya, et ils étaient en vie et probablement ils profitaient de certaines choses, femmes, enfants, nourriture, boisson. Ils ont perdu هذا لأنهم ils sont morts, et كذلك ils auront aucune part في الآخرة أي من النعيم, بل ils seront في النار. Est-ce que مثل هؤلاء tu peux les envier أخي الكريم? Est-ce que مثل هؤلاء ça peut être un modèle pour nous? أبدا. مثل هؤلاء on doit les détester في الله عز وجل لأنهم ils se sont détournés, et كذلك ils doivent nous faire de la peine لأن la situation elle est critique. قال: فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. يغزمون une phrase حال هؤلاء. حياتهم عجزا, c'était des incapables في الدنيا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله nous a créé que pour l'adoration. Tu trouves هؤلاء أن un sujoud il n'arrive pas à le faire. Est-ce que هؤلاء ils sont على الشيء؟ والله هؤلاء c'est من أضعف خلق الله الكفرة. أي le but de la création c'est l'adoration, ils n'arrivent pas à se prosterner. Un jour de صيام ils n'arrivent pas. فحياتهم عجزا, c'est des incapables. قال: وموته كمدا. كمد c'est الحزن الشديد. Leur mort c'est la tristesse. لماذا؟ لأنه quand il meurt il voit الملائكة. ثم il est placé dans sa tombe, ثم les anges descendent, et تعلمون les questions, s'il répond pas il est frappé, le châtiment il commence. حزن. قال: ومعاده حسرة وأسفا. المعاد c'est la résurrection. Quand il sera ressuscité, les regrets. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est comme tout le monde, il sera ressuscité nu et il possède rien et personne ne fait attention à lui. Et la seule chose qui peut le sauver, c'est l'iman ou l'amal ou rahmatullahi azza wa jal. Lakin c'est un kafir, il ne peut pas en profiter. Fa ha'oula, imagine anta, Et la haqiqa, méditer sur le cas de Haoula, c'est nafi' pour chaque musulman. Imagine que tu as cette hasra, ces regrets. Là où l'un, tu perds tout. Tu perds femme, enfant, tu perds tes biens, tu te retrouves dehors tout seul, tu n'as plus rien. Ça serait très très difficile. Lakin ma hada, si c'est fait de dunya, c'est surmontable. Obama, tu peux te remarier, Obama, tu peux retravailler, Obama, tu peux avoir des autres enfants, tu patientes. Et tu peux retrouver certaines choses. Alors que c'est difficile. Ma balouk yawm al-qiyama. Ma balouk. Wahid, il perd tout. Et iyadam billah, il est finari jahannam et il sort plus jamais. Ah, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il insiste beaucoup dans ses livres. Il met en garde contre le ghafla et il conseille aux musulmans de faire des efforts fil l'ilm ou l'amal. Pourquoi? Parce que celui qui tombe dans le ghafla, iyadam billah, il peut tout perdre. لهذا وغبت لبارل ابن القيم والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى si la غفلة l'insouciance elle rejoint اتباع الهوى أي le suivi des passions تولد ما بينهما كل شر ça va donner que du mal فاحذر من هذين المرضين la غفلة l'insouciance et كذلك اتباع الهوى ودائما on se rappelle مثل قول الله عز وجل واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه ce genre de verset ça t'évitera de tomber fil ghafla واتقوا الله fais des efforts fil sunna fais des efforts fil iman fais des efforts fil ta'a fais des efforts fil taqwa c'est un amr min Allah c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé il nous ordonne هذا واتقوا الله التقوى c'est din faire les obligations, s'écarter des interdits, faire les choses recommandées et délaisser les choses détestables. Ça englobe tout din. Wattaqullah, et applique ton din. Wa'lamu annakum mulaqoo. Et sache que tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont deux catégories. Al-fa'izun, ashabul yamin et al-khasirun, ashabul shimal. Qala azza wa jalla, fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Et min haith al-khulud, bien sûr. Aqidat al-sunnah, comme on a répété plusieurs fois. Nas'alullah azza wa jal an yanfa'ana bima qara'na wa an yujannibana al-ghafla wal-fitan wa sa'ir ma yadhur innahu waliyu thalik wal-qadiru alayh wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadar qadr. Et je dis, inshallah, naqra' le kalam qui est après. Hayyakumullah.